voir ce belle en son miroir. Oh, je ris de me voir ce belle en son miroir. Et c'est toi, Marguerite, et c'est toi, réponds-moi, réponds-moi. Ripo, ripo, ripo, vite. Non, non, ce n'est plus toi. Non, non, ce n'est plus ton visage. C'est la fille d'un roi, c'est la fille d'un roi, c'est ne plus toi, c'est ne plus toi, c'est la fille d'un roi qu'on s'allie à passage. Oh, s'il était ainsi, s'il me voyait ainsi comme une demoiselle, il me trouverait belle. Oh, comme une demoiselle me trouvera belle. Marguerite, ce n'est plus toi, ce n'est plus ton visage. Là, c'est la fille d'un roi qu'on s'allie à personne.